Prenez un tas de cailloux blancs et un tas de cailloux noirs. Dressez un quadrillage en guise de plateau, instaurez quelques simples règles d'approche, puis jouez l'un après l'autre. Le but est d'avoir le plus grand territoire. Une recette d'un jeu simple, mais ô combien stratégique. Au point que, lorsque l'intelligence artificielle bat l'être humain, ça devient quelque chose de spectaculaire. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021, vous êtes en l'épisode 460, bienvenue sur le podcast Science, et on va parler du jeu de Go. Et ce soir, donc, on a Pascal du côté de Mulhouse à la technique. Salut tout le monde. Ok. On a Pierre Akatopo du côté de Paris. Hello tout le monde. Et enfin, le pro maintenant, jeu du co, Nicotube, qui est pas loin de Toulouse, c'est ça que tu disais? Ouais, Toulouse même. Eh bien, je te laisse la parole pour en parler un peu du jeu du co, qu'on connaît pas trop, nous, en tout cas. Ouais, enfin, on va parler d'AlphaGo, plus précisément. AlphaGo. Donc ça commence à dater un peu maintenant, je me suis rendu compte que j'étais bien en retard, mais bon, c'est jamais trop tard pour Podcast Science. En 2016, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, il y a un ordinateur qui a réussi à battre 4 victoires à 1, Lee Sedol, qui était un des plus grands joueurs de Go à l'époque, depuis il a pris sa retraite, justement c'est lié à ça, qui a battu donc Lee Sedol 4 victoires contre 1 au jeu de Go qu'on connaît très peu dans l'Occident ou pas tellement. Enfin moi je connais très peu de personnes que j'ai déjà vues physiquement qui connaissent le Go. J'en ai vu plus en ligne. Mais le jeu de Go c'est un jeu qui est très très populaire en Asie et qui a été considéré pendant très très longtemps comme un étalon d'intelligence humaine. En fait, la plupart des spécialistes en intelligence artificielle étaient assez convaincus qu'on était très très loin de réussir à battre l'humain au jeu de Go. Donc c'est pour ça, entre autres, que la société DeepMind, qui a mis en place l'algorithme qui a battu Lee Sedol, bah, s'est intéressée à ce problème-là. Et c'est quelque chose qui, finalement, est arrivé que 20 ans après la fameuse victoire de Deep Blue contre Kasparov aux échecs. Les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, qui était aussi un grand événement. Et donc ça a vraiment retourné un peu la planète des gens qui recherchaient en intelligence artificielle. Alors, ce que je vous propose de voir ce soir, c'est pourquoi le Go est si différent des échecs pour les ordinateurs, et surtout comment a fait AlphaGo pour réussir à battre Lee Sedol. Et maintenant, en fait, dans ces dernières itérations, on parlera un tout petit peu à la fin, tous les joueurs de la planète, très très largement, c'est-à-dire on considère que les algorithmes de DeepMind ont atteint un niveau super humain, c'est-à-dire qu'ils écrasent les humains, alors que à l'époque du match contre Lee Sedol, c'était plutôt... Il est un peu meilleur, mais on n'est pas à un niveau surhumain. Les dernières itérations... il est largement au-delà. Donc, ça va être un dossier assez intéressant sur plusieurs aspects. D'abord, vous allez découvrir le jeu de Go et j'espère que je vais vous convaincre d'essayer d'y jouer. Et ça va vous montrer un aspect un peu plus concret de comment on fait du machine learning, comment on construit un algorithme qui utilise du machine learning par rapport à l'épisode sur le deep learning qu'on avait pu faire dans Podcast Science où c'était un peu théorique. Donc, pour résumer, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous présenter les règles, puis après nous présenter l'ordinateur qui fait que ça n'a plus aucun intérêt de jouer parce qu'il va nous battre à chaque fois. Alors ça, c'est une grande question. En vrai, on pourra en parler à toute fin pour pas trop digresser, mais l'AI a pas vraiment fait que les gens jouent moins au Go comme elle a pas fait que ça joue moins aux échecs. Ça a plutôt augmenté le niveau de manière drastique parce que les gens se mettent à jouer un peu plus comme l'AI et à faire des choses qu'ils osaient pas faire avant, comme aux échecs. Et d'ailleurs, les échecs se sont pris une deuxième vague avec les algorithmes du Go qui ont été adaptés pour les échecs et qui ont écrasé les algorithmes précédents des échecs. Et voilà, donc ça a donné... Bon, par contre, ça pose des nouveaux problèmes. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment détecter la triche, parce qu'il y a plus de gens qui trichent en utilisant des intelligences artificielles, comme aux échecs, d'ailleurs. Donc, voilà. Et pour toi, ce que tu disais, en vrai, les règles, on va voir ça tout de suite, et ça va aller très vite, parce que c'est un jeu où, au niveau règles, c'est très très simple, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on croit. D'ailleurs, donc, d'un coup, autour de moi, là, vous connaissez le Go ou pas? Je connais un mathématicien de mon entourage qui joue. C'est pas mal, ça, non. C'est un début. Voilà, donc on a... Et quand je vous dis Go, vous pensez à quoi, en fait? Ça vous inspire quoi? Alors moi, ça m'évoque très très spécifiquement, mais tu vois, c'est vraiment... C'est un film que j'ai vu qui s'appelle Le goût du thé. où il y a un gars, c'est un petit adolescent, et il se fait tous des films dans sa tête, et il s'imagine qu'il va devenir Goman, et il balance des cailloux blancs et noirs sur les gens pour défendre la veuve et l'orphelin. C'est vraiment très spécifique. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, moi, quand je parle de Go maintenant un peu autour de moi, je me rends compte que les gens ont une vision encore pire que les échecs en côté. Oula, c'est le jeu hyper difficile avec des pierres noires et blanches, c'est ça, et qu'ils ont surtout pas envie d'y jouer. Là où aux échecs, tu peux, sur un malentendu, les faire jouer. Au Go, tu sens que non, là, c'est le truc super compliqué. Donc, c'est assez un. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de pièces. Au Go? Bah, pas, je veux dire, pas différentes, mais oui. Y en a beaucoup sur Internet. Voilà, donc, et on va voir que ça, c'est hyper intéressant. Je voulais m'arrêter un peu là-dessus parce que le fait qu'on dise que c'est un jeu difficile, c'est assez épatant parce qu'en vrai, on va le voir tout de suite, au niveau règles, c'est un des jeux abstraits avec le moins de règles qui existent. C'est très très facile de comprendre les règles du Go. Alors, pour information, histoire de faire un peu d'historique, c'est aussi un jeu très vieux. Moi, j'ai découvert en préparant le dossier qu'en fait, ça a pratiquement 1000 ans de plus que les échecs. Donc, ça date à peu près de moins 700, moins 800 avant Jésus-Christ. Et c'est un jeu qui est apparu a priori en Chine, c'est un peu dur à savoir, et qui est aujourd'hui très populaire en Corée et au Japon principalement, et qui se développe pas mal en Europe. Entre autres, il y a eu récemment là, les championnats d'Europe, donc voilà, ça se développe tout doucement, et les Français sont pas mauvais d'ailleurs au Go. Et alors justement, le Go, en fait, ça a très peu de règles, c'est-à-dire il y a grosso modo 4 règles. La première, c'est qu'à son tour, on a le droit de poser une pierre, n'importe où sur une des cases vides du plateau. La deuxième règle, c'est que si un ensemble de pierres de notre couleur noire est entouré par des pierres d'une autre couleur, elles sont capturées. La troisième règle, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer une pierre à un endroit où en fait elle serait tout de suite capturée, donc on n'a pas le droit de se suicider. Et la dernière règle, je vais pas m'étaler dessus parce qu'elle est un peu plus compliquée, mais en gros, on n'a pas le droit de faire un coup qui ferait qu'on serait dans une boucle infinie parce qu'on revient sur la situation d'avant. Donc on n'a pas le droit de jouer un coup qui revient en arrière. Et avec ces 4 règles, vous savez jouer au Go. Quand tu dis capturer, ça veut dire que tu transformes, par exemple, si tu as entouré un caillou noir avec des trucs blancs, il devient blanc, c'est ça? Non, tu le prends, tu le vires du plateau. Ça devient un trou. Ah, ça devient un trou, d'accord, ok. Voilà. Donc en gros, c'est ta manière de prendre les... Je voulais mettre l'image, une image un peu représentative. Je ne sais pas si elle est arrivée dans la chatroom, j'ai pas l'impression. Eh bien, on verra, elle va apparaître un jour, j'imagine. Je laisserai Pascal. Mais bref, oui, donc quand tu entoures les pierres, ça veut vraiment dire que tu les prends. Donc capturer les pierres, ça veut dire que je les enlève du plateau. Donc, ce qui est intéressant là-dessus par rapport au truc difficile, c'est qu'en fait, si vous y réfléchissez un peu, c'est quand même beaucoup plus simple que les échecs. Pour rappel, vous connaissez sans doute la plupart les règles des échecs, mais si on les énumère, ça devient tout de suite plus compliqué. J'ai pris, pour exemple, un peu en trollant le pion. Donc le pion, ça a le droit d'avancer d'une case à la fois devant lui, sauf quand il capture, où là il peut bouger en diagonale, et sauf quand c'est son premier mouvement, où là il peut sauter de deux cases, et quand il arrive en fait dans la dernière case du plateau, il peut se transformer en une autre pièce. Le cavalier, en fait, il a le droit de passer par-dessus les autres pièces, et puis il y a un truc qui s'appelle le roc, où là j'ai le droit d'échanger des pièces. Enfin, en gros, les échecs, c'est en vrai assez compliqué comme règle quand on compare à un jeu comme le Go. Et pourtant, même des gens qui connaissent un peu les règles vont plutôt considérer que le Go est un jeu plus difficile et plus intimidant. Et ça, c'est intéressant, alors un peu moins scientifique, mais d'un point de vue game design, c'est qu'en fait, les échecs ont tendance par leurs règles à avoir soit des règles qui finalement sont assez naturelles, aussi parce qu'on a baigné dans un monde où les échecs étaient déjà présents, donc finalement bouger des pièces sur un plateau en ligne droite ou en diagonale, ça nous paraît assez logique, capturer une pièce, ça nous paraît assez logique. Et il nous guide un peu, c'est-à-dire il dit, voilà, il y a les pions qui avancent une case, il y a la tour qui avance plus, on sent bien que la tour, elle va avoir un rôle plus important pour attaquer que le pion, donc il nous donne un peu une idée de quoi faire. Et surtout, la grosse différence, et là on va finir sur la règle du Go, c'est le but du jeu. Aux échecs, le but du jeu, il est hyper simple, c'est, il faut tuer le roi. Au Go, c'est un peu plus compliqué, c'est ce que disait Cléora au début en intro, il faut avoir le plus de territoire. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il y a pas mal de gens qui vont se dire « Ouais, d'accord, mais le territoire, en fait, c'est quoi exactement ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc, pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez toutes vos pierres qui enterrent une zone du plateau et il y a que vos pierres qui y a autour, vous pouvez considérer que c'est votre territoire. Alors après, il y a des règles plus en détail, on va en parler tout de suite quand on va parler de l'AI, qu'il faut que c'est plus compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une zone du plateau où il y a que nos pierres autour. et d'en avoir plus que l'adversaire. C'est ça le but du jeu. Et là où c'est plus compliqué, c'est que bien sûr, entourer toute une zone de son territoire avec ses pierres, c'est quelque chose qui se fait à la fin de la partie. Au milieu de la partie, on a des trucs un peu ouverts, on sait pas trop où commence ou finit notre territoire. Donc à appréhender, c'est un peu plus compliqué que savoir si le roi, il est vivant ou il est mort. Donc c'est un peu un des aspects qui fait que le Go, est, pour les humains en tout cas, est un peu plus dur à appréhender que les enchecs, à mon avis. Je sais pas si vous, ça vous parle un peu. Tu as bien résumé, les règles des échecs sont compliquées, mais le but est simple, et on a l'impression que c'est l'inverse pour le Go. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, et par contre, pour un ordinateur, en fait, les deux jeux de règles sont à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'un ordinateur, avoir 20 règles ou en avoir deux, il s'en fout un peu. De toute façon, on va les implémenter, c'est des règles qui sont très claires, donc ça change pas grand-chose à la difficulté du jeu. En fait, une des premières grosses différences qui va beaucoup changer pour un ordinateur entre le Go et les échecs, et où là, c'est limite un peu de la triche pour le Go, pour dire que c'est un jeu plus compliqué, c'est que le Goban, qui est le plateau de jeu du Go, c'est un carré de 19 x 19 cases. Alors, en vrai, c'est des intersections, comme a dit Cléora, mais ça joue le même rôle que des cases. Et donc, 19 x 19 cases, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis une image dans la chatroom qui, j'espère, va apparaître. C'est un peu plus grand que si vous mettiez 4 jeux d'échecs les uns à côté des autres. Donc on commence à avoir un truc un peu solide au niveau taille, et d'un point de vue intimidant aussi, parce que au début de la partie, c'est 19 x 19 cases qui sont vides, et il faut choisir où poser sa première pierre. Donc c'est un peu plus intimidant que finalement avoir des pièces qui sont déjà là et où poser. Et d'un point de vue, et pour un ordinateur, ce qui est dramatique, c'est la combinatoire. On a déjà eu l'occasion de dire ce mot un peu dans Podcast Science, ce mauvais mot, qui va être le nombre de possibilités. Parce que au Go, en ayant 19 x 19 pièces, on se rend bien compte qu'à chaque tour, on va avoir beaucoup plus de coups possibles qu'aux échecs. Et en fait, ça s'arrête pas là, parce que... alors déjà, je vais commencer par ça, pardon. On a beaucoup plus de coups qu'aux échecs, c'est-à-dire que, par exemple, pour le premier coup au Go, on a 361 possibilités. Après deux coups, on a 62 000 possibilités de parties qui sont jouées. Après cinq coups, on en est à 1 000 milliards de possibilités de parties qui existent. Après cinq coups. Pour faire une petite comparaison, toujours par rapport aux échecs, après cinq coups aux échecs, on a que, entre grands guillemets, 24 millions de possibilités par rapport à 1 000 milliards. Donc on est de l'ordre de 100 000 fois moins compliqué après cinq coups. En tout cas, dans le nombre de possibilités. Tout ça, ce qui est important à avoir en tête, c'est que je suis pas en train de dire que le Go est beaucoup plus compliqué que les humains, que les échecs. Je suis plus en train de dire que si on imaginait énumérer tous les coups, le Go est un problème plus compliqué pour un ordinateur que les échecs. Mais ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose de compliqué. Quand vous allez le matin à la boulangerie, la longueur de vos pas, la direction où vous faites vos pas, etc., ça fait qu'on a encore plus de possibilités qu'au Go. Pourtant, on n'a pas l'impression que c'est une opération qui est très compliquée. Mais pour un ordinateur, ça peut le devenir s'il essaie d'énumérer toutes les possibilités, trouver l'optimal. Ok? Yes, mais ça m'évoque tout de suite un truc, c'est que tu dis que les parties sont plus longues. Est-ce qu'il y a le même système que... Alors ça, dans je l'ai les... pas encore dit. Mais vas-y, dis-moi. J'ai cru que tu disais. Non, je disais que pour l'instant, il y avait beaucoup plus de coups jouables et on va y venir qu'en effet, les parties sont plus longues. Mais vas-y, pose ta question. Du coup, est-ce que c'est comme aux échecs, des parties qui sont chronométrées avec il faut côté. Ouais, t'as le même système. Ouais, c'est à peu près. Alors, je sais pas exactement comment fonctionne le chronométrage aux échecs, mais en gros, c'est des parties qui sont chronométrées avec chacun qui appuie sur son truc le temps. Et à la fin, quand t'as plus de temps, en général, t'as un temps pour chaque coup. Genre, t'as 30 secondes par coup à l'infini parce que t'as plus de temps. Quoi. D'accord. Mais en effet, les parties sont plus longues au sens nombre de coups. C'est-à-dire que aux échecs, de ce que j'ai vu, une partie ça dure en moyenne entre 40 et 80 coups, ce qui est déjà pas mal. Au Go, on est plus autour de 150 à 200 coups. Donc là aussi, on se prend quasiment un fois deux sur la longueur des parties. Ce qui est en combinatoire, ça fait que c'est encore plus compliqué. Et en plus, à chaque tour, en moyenne, au Go, il y a 250 coups valides à peu près. Donc il y en a beaucoup au départ, il y en a de moins en moins parce que le plateau se remplit. Aux échecs, c'est un peu différent. Il y en a peu au départ, il y en a peu à la fin et il y en a un peu plus au milieu. Mais aux échecs, on est à peu près sur 25 coups par tour. Donc on a près de 10 fois moins de coups par tour. Donc tout ça pour dire que pour un ordinateur qui essaierait un peu bêtement d'énumérer toutes les parties pour jouer, le Go, il y a un facteur d'échelle incommensurable entre le Go et les échecs. Et c'est aussi pour ça, c'est un des premiers aspects qui fait comprendre qu'il y a une énorme différence quand on va aborder un jeu entre le Go et les échecs, parce que le nombre de possibilités est démentiellement plus grand sur le Go que les échecs. Et encore une fois, à ce stade, on s'en fout qu'il y ait un milliard de plus de possibilités, mais qu'elles soient quasiment toutes nulles, alors qu'aux échecs, elles sont toutes intéressantes. C'est pas le propos. Le propos, c'est qu'un ordinateur, il sait pas. Donc, il va avoir envie de toutes les tester, même si elles sont débiles. Donc, d'un point de vue combinatoire, c'est plus compliqué, quoi. Et du coup, c'est cet aspect combinatoire qui a, pour les échecs, on a réussi un peu à approcher cet aspect-là en utilisant des exemples de parties, et finalement, on s'en est sorti avec Deep Blue, avec un gros ordinateur, des grosses bases de données, pour réussir à battre l'humain. Et on s'est bien rendu compte que pour le Go, ça allait être beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a tellement de parties différentes qui existent, que cette approche-là, elle marchait pas du tout. Il y avait une question, là, je sais pas qui c'est qui l'a posée. Oui, sur la chatroom, Niv demandait, est-ce que, comme aux échecs, il y a des ouvertures standards, c'est-à-dire, tu poses... voilà, est-ce que... il y a des manières de commencer un jeu. Ouais, donc aux échecs, il y a des ouvertures. De ce que je connais, c'est en effet des séquences de coups joués. Donc il y a un peu ça au Go aussi, qui s'appelle le Fuseki, c'est le début de partie. Là où c'est un peu différent des échecs, c'est que ça va être comment approcher chaque coin, en gros, parce qu'au Go, on commence par les coins. Et ça va être des échanges de coups un peu standards avec 4 ou 5 variantes. Mais après, très rapidement, alors déjà, comme aux échecs, l'adversaire va pas forcément le jouer, et il y a quand même un aspect... vu que le plateau fait 19-19, une fois qu'on a déjà joué un premier coin et qu'on est en train de jouer le troisième, bah, ce qu'on a joué dans les autres coins va éventuellement avoir une influence pour modifier un peu l'ouverture, entre guillemets, qu'on est en train de jouer. Donc, il y a ces ouvertures qui existent, qui sont des chaînes de coups qui font que les deux joueurs ont à peu près égalité, mais elles sont peut-être un peu moins marquées, j'ai l'impression, qu'aux échecs, et surtout, il y a plus de variabilité, ne serait-ce que parce que le plateau est plus grand, en fait. Mais après, moi, je connais très mal les échecs, mais en effet, il y a des petites ouvertures standards, mais j'ai l'impression qu'elles sont moins standards que les échecs. Et en plus, l'intelligence artificielle a montré qu'elles n'étaient pas si importantes que ça. C'est-à-dire qu'elle attendait à pas tout le temps les respecter parce que la situation locale faisait que c'était plus intéressant de jouer autre chose. Genre, à sortir du coin, carrément, l'intelligence artificielle ou pas du tout? Elle reste quand même dans le coin. C'est pas forcément qu'elle sortait du coin, ça dépendait. C'est qu'elle allait... En fait, là, c'est des séquences très précises. Et au lieu de faire la séquence très précise, elle jouait un autre truc qui paraissait être un mauvais coup. Ouais. Et en fait, dans sa situation, c'était plus intéressant. Donc, faut vraiment avoir en tête que le fait que le plateau est 4 fois plus grand, et il n'y a pas de pièces au départ, ça change quand même pas mal la donne. C'est-à-dire que les relations entre plusieurs parties de plateau, c'est un peu comme si vous aviez plusieurs parties d'échecs en parallèle qui, à un moment, vont se rejoindre. Et donc, on se doute bien que si on a fait une première ouverture dans un jeu d'échecs et qu'on joue un autre jeu d'échecs juste à côté dans le même plateau, bah, la deuxième ouverture qu'on va faire, on a intérêt à réfléchir à l'ouverture qu'on a fait juste à côté. Donc là, je parle au-delà de mon niveau, hein. Moi, je suis plutôt un amateur un peu expérimenté, mais reste un amateur. Et donc, il y a ce côté plateau plus grand qui joue sur ces ouvertures, je pense, pas mal. Ouais. Mais il y a quand même ces histoires d'ouverture. Par contre, une grosse différence par rapport aux échecs, même si là, c'était pas l'objet de la question, ce qu'il y a aux échecs qui a beaucoup aidé aussi l'AI, c'est les fins de partie. Les fins de partie aux échecs, elles sont résolues. C'est-à-dire qu'on sait que quand il y a 2-3 pièces qui restent sur le plateau, on sait exactement si ça va finir en nul, en victoire ou en victoire ou en défaite, et on sait quelle séquence il faut faire pour y arriver. Parce qu'il y a tellement peu de pièces et le plateau est petit que c'est faisable. Au Go, les fins de partie sont pas du tout résolues parce que c'est un peu l'inverse. Il y a tellement de pièces sur le plateau que les fins de partie sont toujours différentes. C'est quasiment impossible d'avoir deux fois la même fin de partie. Parce qu'on est sur un plateau 19-19 avec des pierres partout. Et là où aux échecs, on se doute bien que des parties avec une tour et un fou, bah, ça reste une partie avec une tour et un fou, et elles peuvent se ressembler plus facilement, quoi. Et ça a beaucoup aidé aux échecs. Je crois qu'il y a pas mal d'algo dans les échecs qui ont les fins de partie qui sont même pas avec du machine learning, qui sont plus ou moins résolus, quoi. Et les joueurs pros, ils le savent. D'ailleurs, aux échecs, il y a pas mal d'abandons qui se font avant ça, parce que les joueurs, ils savent d'avance le statut de la fin de la partie en fonction des pièces qui leur restent. Ouais. Moi, j'ai une analogie, si tu veux. C'est que les échecs, c'est comme une grande guerre, alors que les jeux de Go, c'est plusieurs petites batailles, ici et là, et qui devient une grosse guerre à la fin, un peu bordélique, qu'on ne peut pas prévoir, en fait. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Tiens, je vois une question de Blue Phoenix. Les points noirs sur le plateau, c'est plus pour donner des repères. Et en effet, c'est pas mauvais de commencer en jouant sur ceux des coins, en particulier ceux du milieu un peu moins. Mais c'est pas du tout obligatoire. On veut. Je crois qu'historiquement, il me semble qu'il y a des règles de Go où on commençait avec des pierres déjà posées sur ces points-là. Mais c'est plus des indicateurs pour s'y repérer sur le plateau parce que le plateau est un peu grand. Et ce que tu dis, c'est assez vrai, c'est qu'il y a pas mal de petites batailles qui vont se regrouper à un moment, quoi. Voilà, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, un aspect qui a fait que c'est très différent et qui faisait un peu peur, je pense, aux gens qui faisaient de l'intelligence artificielle là-dessus, c'est la combinatoire. C'est-à-dire que au-delà du jeu en lui-même et de comment il fonctionne, d'être sur un plateau 4 fois plus grand, même si c'était les échecs qui avaient une règle sur un plateau de 19-19, ce serait déjà beaucoup plus compliqué à gérer. Et sans doute qu'il y aurait un niveau de complexité qui fait qu'on n'aurait pas battu il y a 20 ans les échecs. Et le go, de fait, ça se jouait sur un plateau 19-19. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment tu as dit que donc les fins de partie n'étaient jamais, on va dire, résolues dans le go, mais j'arrive pas à me représenter comme ça veut dire qu'il peut y avoir des retournements de situation imprévisibles. Ah, attends, tu as raison de poser la question. Résolu, ce que je veux dire, c'est vraiment au sens mathématique / informatique, c'est-à-dire aux échecs, c'est un peu comme comment on appelle ça, le morpion. Le morpion, on connaît la manière de jouer optimale pour gagner systématiquement ou avoir un nul quand t'es le premier joueur. C'est-à-dire que le morpion, c'est considéré comme résolu parce qu'on sait que si tous les deux joueurs jouent parfaitement, à la fin, on obtient un nul. Et on sait comment faut jouer. Aux échecs, la plupart des fins de partie, avec la plupart des couples de 2-3 pièces, on sait à quoi on va aboutir et comment il faut faire pour y arriver en jouant parfaitement. Ouais, c'est les fameux quiz que tu vois parfois dans le monde ou les journaux, non, etc. Quiz, ils te disent. C'était un peu avant. Ouais. Les quiz, c'était un peu avant. T'es pas encore dans cette fin de partie, je parle, parce que t'as plus de pièces en général. T'en as 4-5 de chaque côté. Là, je te parle vraiment si t'as une tour, si t'as chacun a un roi, bien sûr, parce que les rois sont toujours là. Il y en a un qui a un roi, un pion, l'autre il a deux tours et un roi. Tu sais que celui qui a deux tours, il va gagner. D'accord. Et tu sais comment faire pour gagner. Là, c'est un exemple très simple que tu vois les premières fois que tu joues aux échecs. C'est pour ça que j'en parle, comme j'ai pas fait beaucoup d'échecs. Mmh. Et avec deux tours, tu sais comment aller coincer le roi et le mettre en échec et mat. Mais systématiquement. Mais si je me souviens bien de l'épisode sur, je crois que c'était toi, théorie des jeux, ça existe quand même dans le Go. C'est juste qu'on les connaît pas, les coups à jouer. Non, alors la grosse différence sur le Go, si tu veux, c'est que déjà, en gros, tu peux imagine le nombre de fins de partie à 3 pièces aux échecs. Il y en a un certain nombre, mais il y en a pas des masses, parce que le nombre de pièces différentes que tu as aux échecs, je vais le dire de mémoire, il doit y en avoir une dizaine. Et donc tu prends les couples de 2 pièces parmi 10, tu vas avoir un petit nombre. Au Go, tu as un plateau 19-19 où tu peux avoir des fins de partie qui t'en as un nombre de fins de partie différentes qui va être très très grand. Donc ça, c'est un premier argument qui fait que les fins de partie en elles-mêmes, tu peux pas toutes les avoir énumérées et tu peux pas avoir des machines qui vont les avoir mémorisées parce qu'il y en a sans doute plus qu'il y a d'atomes dans l'univers ou des choses comme ça. Et deuxièmement, tu as bien sûr des séquences locales qui sont très connues et qui sont très classiques, qui se jouent en fin de partie, qui sont même sans doute encore plus répétitives que ce que tu parles aux échecs. Mais tu as parfois des coups un peu comme dit Pierre, où tu vas avoir des combinaisons comme les pierres sont les unes d'à côté des autres, qui fait que tu vas réussir à faire des coups plus gros très localement, parce qu'il y a une configuration très particulière. Et ce qui, à ma connaissance, existe moins aux échecs, alors je pense que ça peut exister si tu as des ensembles, mais tu vois, plus que 2-3 pièces par joueur, qui existent. Alors là, je parle des fins de partie, quand tu joues la partie jusqu'au bout, aux échecs comme au go, des fois, tu as des joueurs qui abandonnent avant la fin, hein, donc là, on est sur autre chose. Mais c'est plutôt le côté où tu as un nombre de types de plateaux de fin de partie qui existent, qui est beaucoup plus grand au go qu'aux échecs, où en fait, aux échecs, vu que tu finis avec peu de pièces, y a un moment où tu peux quasiment énumérer tous les types de fin de partie à 3 pièces que tu peux avoir, quoi. Là où au Go, tous les types de fin de partie à 200 pierres, tu te rends bien compte que c'est un peu compliqué, quoi. Effectivement. Encore une fois, c'est pas un argument humain, là, hein, c'est un argument machine. C'est-à-dire que j'ai pas dit que toutes les parties de fin de partie de Go étaient plus intéressantes qu'aux échecs. Je dis juste que d'un point de vue machine, clairement, tu peux pas avoir la même approche parce que tu pourras pas les énumérer, quoi. Donc c'est clairement quelque chose qui est très différent, entre autres dans l'approche AI. Un autre aspect qui pour moi est limite plus intéressant et qui vraiment fait que c'est pas un hasard qu'on ait réussi à battre que l'AI ait réussi à battre l'humain au Go récemment, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Dans la plupart des jeux vidéo et des jeux modernes, on a très souvent ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'un joueur, il sait en général très rapidement si ce qu'il fait, c'est bien ou pas. C'est ça quand vous jouez à Tetris et que vous voyez que vous marquez des points quand vous faites un Tetris. Ben, c'est une boucle de rétroaction qui vous dit « Ah ben tiens, ça, faire ça, c'est bien, ça te fait gagner des points. » C'est le boss d'un jeu vidéo qui clignote en rouge quand vous arrivez à lui faire mal. C'est « Ah tiens, t'as trouvé comment on lui fait mal. » C'est le héros qui perd de la vie quand il marche sur des épines. « Ah ben, faut pas marcher sur des épines. » Et ça, c'est assez important parce que, bah déjà, pour un joueur, ça fait qu'il comprend un peu à quoi ça sert ce qu'il est en train de faire, donc c'est pas mal. Et pour une machine, c'est assez essentiel pour les ordinateurs pour apprendre, parce que ça veut dire qu'à chaque coup ou à chaque action, il peut évaluer sur si ce qu'il fait est bien ou pas. Et donc ça permet de très rapidement se corriger et apprendre de ce qu'on fait. Et il se trouve, et ça c'est une vraie différence entre les échecs et le go, que les échecs dérogent pas à cette règle. En fait... aux échecs, il y a une sorte de proxy comme ça qui donne une idée de est-ce que ce qu'on fait ou est-ce qu'un coup qu'on imagine, il est bon ou pas. En fait, on peut les joueurs un peu expérimentés, ils savent qu'on peut donner un nombre de points à chaque pièce. Par exemple, un pion va valoir 1 point, un cavalier va valoir 3 points, une tour 5 points, une dame 9 points. Et si bien qu'un joueur, il sait que s'il perd un cavalier pour prendre une tour, il compte les points et il voit qu'il y gagne. Ça lui permet aussi d'évaluer en partie, de voir si bah, il a plus de points que l'adversaire, c'est-à-dire qu'il est plutôt en train de gagner. Alors bien sûr, c'est pas parfait, hein. C'est pas un truc absolu, ça veut pas dire qu'on a perdu d'avance, mais ça veut dire qu'on sait qu'on est en retard. Et donc on sait évaluer un peu où on en est, et si ce qu'on va faire, on est en train de gagner ou pas. Je sais pas si ça... Vous voyez ce que je veux dire par des boucles de rétroaction ? Mais dans le Go, du coup, c'est plus compliqué. Voilà, alors au Go, comme on a dit, le but du jeu, c'est de marquer le plus de territoire. Et du coup, en milieu de partie, c'est beaucoup plus compliqué parce que il s'agit de dire est-ce que je suis en train d'avoir plus de territoire que l'autre. Alors bien sûr, les joueurs plus expérimentés plus savent le faire, mais c'est très souvent très à l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va se dire ok, là le territoire là, il est encore très ouvert. J'ai essayé de vous mettre une partie en milieu là. Je crois qu'elle est apparue sur la chatroom. Non, elle n'est pas apparue. Elle va apparaître bientôt. Tous les territoires sont ouverts, donc le joueur va se dire bon là ce territoire là, moi je pense que l'autre il peut pas attaquer plus que ça, donc je vais le fermer ça, donc ça me fait à peu près tant de points, donc ça me fait plus de points que l'adversaire. Mais un, c'est très à l'interprétation, c'est très au niveau du joueur, c'est très à qu'est-ce que va pouvoir faire l'adversaire. Et ça, c'est typiquement ce que déteste une machine, c'est-à-dire que on est un peu dans du jugé et pas dans du très une tour ça vaut 5 points, un pion ça vaut 1 point, donc je sais que j'y gagne à réussir à prendre une tour par rapport à un pion quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est un des aspects qui faisait qu'on pensait qu'on n'y arriverait pas à avoir un moment. C'est qu'en fait, les humains, ça, ils savent très bien faire. Parce que visuellement, se dire, là, le territoire, il est plutôt à moi, parce qu'en fait, les pierres qui sont éparpillées, ça fait un cercle, et en fait, rentrer dans un cercle, c'est compliqué. Un humain, il arrive à reconstituer des formes en regardant de loin. Une machine, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et donc, c'est un aspect, ouais, qui est très très différent pour le Go entre le Go et les échecs. Bon, même si hein, les situations locales elles se glissent dans les deux parties. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas ? Ben, j'ai un peu du mal à te suivre. Je prends ce que tu dis pour argent comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle. J'ai très très bien compris ce que c'était les boucles rétroaction parce que ton exemple avec les jeux vidéo ça me parle énormément. et du coup avec cette pondération des pièces aux échecs, ça a un sens que tu peux pondérer chaque situation pour pouvoir évaluer si tu vas dans le bon sens ou pas. Mais vu que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment pigé cette notion de territoire, ça me reste moins palpable de comprendre pourquoi c'est pas possible de l'envisager pour le jeu de Go. Si tu veux, on va prendre des exemples dans la chatroom que pourront revoir nos auditeurs. Je vais quand même essayer de faire que ce soit compréhensible à l'audio. Si tu prends l'exemple qu'a partagé Cléora de fin de partie, là, en milieu de plateau, là, il y a le noir qui a un territoire vers le bas, qui est tout entouré de pièces noires. Il y a un peu de pièces blanches, mais elles sont toutes seules. Et les pierres noires sont toutes les unes tout autour. Donc là, il a une sorte de gros territoire qui est bien marqué, où c'est un peu fermé de tous les côtés. Alors, il y a les pièces blanches qui vont te faire dire « Ouais, mais en fait, il y a les pièces blanches, peut-être qu'il peut survivre. » Mais tu les sens un peu toutes seules par rapport aux pièces noires qui sont tout autour. Donc en fait, en vrai, si les pièces blanches essaient de faire quelque chose, il y a des chances qu'elles se fassent entourer et donc qu'elles se fassent prendre. Donc là, il a un territoire qui est plutôt bien construit. Alors là, moi, je te crois sur parole. Ah, d'accord. J'ai l'impression de voir un tableau de Sora en monochrome. C'est pour ça que j'avais partagé un début de partie. Je sais pas pourquoi il arrive pas dans la chatroom. Pascal, peut-être que tu pourras nous aider, mais je le vois pas arriver. pour te montrer la différence. Mais en gros, la différence, c'est que tes territoires, quand ils sont fermés ou ouverts. Donc fermé, ça va vouloir dire que t'es vraiment parti d'un bord jusqu'à un autre bord, et tu formes à peu près une ligne. Et des fois, il n'y a pas de pierre adversaire à l'intérieur, ou alors il y a des pierres adversaires à l'intérieur, mais elles sont un peu toutes seules, tu vois, elles sont par groupe de 3 ou 4. Okay. Et donc là, tu as ton territoire qui est fermé, donc tu arrives à visualiser. Et en fait, encore une fois, c'est très à l'interprétation. Peut-être que le blanc, il va avoir trouvé une séquence de coups qui va faire qu'il va réussir à survivre là-dedans, à pas se faire prendre. D'accord. Mais en général, tu te dis, c'est quand même mal barré pour lui, parce que finalement, noir, pour réussir à entourer les pierres blanches, ça paraît faisable, alors que pour que blanc réussisse à entourer les pierres noires, il faut qu'il se lève tôt, quoi. Parce qu'il faut qu'il arrive à entourer tout autour, et en plus, il y a des endroits où il pourra même pas aller parce que ce serait du suicide, etc. Et en début de partie, si on regarde le gif animé que tu avais partagé en tout début d'épisode, qui chez moi est plus animé, je sais pas si chez vous il est animé ou pas. S'il est pas animé, c'est mieux, parce que comme ça, vous pourrez voir une partie en cours. Ouais. Voilà, la partie que j'ai partagée, tiens. Dans ce que j'ai partagé, il y a un début de partie, là. Je sais pas si vous voyez l'image qui vient d'arriver dans la chatroom. Ouais. Ouais. Voilà, par rapport à l'image d'avant, là, bon courage pour savoir où est le territoire de noir et où est le territoire de blanc. Parce qu'il y a surtout des parties où il n'y a pas de pierre, en fait. Donc le blanc, il peut se dire que le bas gauche, il est plutôt à lui, mais en vrai, il n'y a pas de pierre. Donc noir, il pourrait venir, et de savoir qui des deux va prendre du territoire, c'est un peu compliqué. D'accord. En haut à gauche, il y a un peu de pierre blanche, mais elles sont pas fermées. Donc peut-être que noir, il peut venir les rétrécir beaucoup. En haut, il y a plutôt des pierres noires qui entourent, mais peut-être que blanc va pouvoir entrer. Donc là, tu vois, je ne sais pas si vous sentez tous que c'est un peu plus compliqué de déterminer où se situent les territoires de chacun par rapport à la partie finie qu'a partagée Cléora. Où là, on voit bien des pierres qui entourent des zones du plateau. Tu le vois un peu mieux entre les deux ? Ouais. mais pour le coup, c'est malheureux à dire, mais c'est le genre de choses où il faut avoir peut-être fait une au moins partie pour se rendre compte de ce que c'est que véritablement le territoire. Ouais, c'est sûr que ça aide, quoi. Alors, je crois que, attends, j'allais peut-être que juste tu peux me dire en gros comment on sait à la fin qui a gagné. C'est cette notion de territoire, Ouais. Alors à la fin, si tu prends la partie là qui était finie sur Cléora, les deux joueurs doivent se mettre d'accord sur quel territoire est acquis. Donc, si c'est vraiment des débutants qui veulent pas avoir à faire ce truc-là, ils vont jouer jusqu'à que, y ait plus de doute. Donc, par exemple, là, les pierres blanches qui étaient au milieu des pierres noires dont je parlais, ils vont les jouer. Et à un moment, elles vont se faire prendre. Et donc, elles seront plus là. Et donc, il y aura plus que des pierres noires avec des trous au milieu. Et après, une fois qu'il y a plus que ça, on compte toutes les intersections. Donc, on va compter tous les croisements et c'est un point par croisement. C'est quoi les intersections? Donc tu vois le damier, donc comme un damier d'échecs, au lieu de jouer dans les cases au go, on joue sur les intersections des lignes. D'accord. Et donc chaque intersection, ça vaut un point de territoire. D'accord. Donc en gros. Donc celui qui entoure le plus d'intersections vides, il a gagné la partie. Ah. Voilà. Ah ben là, tu vois, ça c'est. J'avais pas compris. D'accord. Donc en gros, tu essayes d'entourer. Ah bah, c'est beaucoup plus simple. Oui, d'accord, ok. T'essayes un peu de faire des étangs ou des mares, là, une sorte de cartographie comme ça, pour faire un territoire dans lequel les blancs peuvent pas rentrer. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ils peuvent pas poser une pièce comme ça, patapof? Alors, justement, bon, ça c'est une bonne question, je voulais pas rentrer dans les détails des règles, mais je vais y rentrer. C'est que, en fait, si tu réfléchis un peu, si t'as un ensemble de pierres blanches qui ont deux trous, elles pourront jamais être prises. Pourquoi? Parce que t'as pas le droit de jouer dans le premier trou parce que ce serait du suicide. Or, t'as besoin de jouer d'abord dans le premier trou, puis dans le deuxième trou pour pouvoir prendre toutes les pierres. Okay. Donc, en fait, tu peux réussir, si t'as pas tout à fait compris ça, ce que tu dois retenir, c'est que un joueur peut réussir à mettre ses pierres dans une configuration où elles sont impossibles à prendre. Okay. Parfois, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, il va réussir à le faire. Et donc là, il sera imprenable, même si, tu vois, en haut à gauche, la partie finie, noir est imprenable. Tu peux essayer de réfléchir à comment on prend noir, mais noir est imprenable. Il n'y a pas beaucoup de place, il a que deux points de territoire, mais il est imprenable. Parce que blanc n'a pas le droit de jouer dans un des deux trous, parce que ce serait du suicide. Il y a une règle d'Hugo qui dit que tu n'as pas le droit de jouer dans une case où, en fait, ta pierre serait prise instantanément. D'accord. Oui, donc cette règle de « t'as pas le droit au suicide » fait que... Ça a tout son sens quand tu veux compter les territoires. Ouais, donc voilà. Et donc, oui, tu entoures le plus de territoire. Et donc, pour revenir à AlphaGo, ce que je disais, c'est que si vous regardez l'image, je crois qu'il fut un temps, je pouvais mettre en avant, je sais pas si on peut toujours, peut-être pas. Ah non, c'est que je suis pas logué. Si on revient sur la partie en cours, quand on est dans une, en début de partie en particulier, mais même dans une partie en cours, c'est assez compliqué, et même pour un joueur, qui joue un peu comme moi, d'estimer si on est en train de gagner ou en train de perdre, et surtout combien de points on est à peu près en train de faire. Alors pour une machine, je vous raconte pas, surtout quand c'est un peu sujet à l'interprétation. Et ça, je pense que c'est un des aspects qui est clé, c'est qu'en fait, quand vous entendez beaucoup parler de machine learning, que les machines vont dominer le monde, etc., aujourd'hui, les algorithmes qu'on arrive à faire fonctionner, c'est des algorithmes où on sait évaluer quand ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien, quoi. Et là, le Go, un des éléments qui était très compliqué, c'est que en milieu de partie, c'était très compliqué pour une machine d'estimer si ce qu'elle faisait, c'était bien ou pas bien. Et donc, bah, pour apprendre, c'est compliqué, parce que s'il faut attendre 200 coups avant de savoir si un coup qu'on a joué, il est bon ou pas bon, bah, faut se lever tôt, quoi. Ok? Yes. Bon, bah, maintenant que t'es un champion de Go, Pierre, si t'avais à jouer au Go pour la première fois, ce serait quoi ta stratégie? Loguer AlphaGo sur mon téléphone et tricher. C'est ça, ça peut être une stratégie. Non, t'as pas un autre type de stratégie sympa? Pendant que tiens, je partage des territoires où là, ça va vous faire mal à la tête. Je sais pas, peut-être tu joues en diagonale, t'essayes de ratisser comme ça en diagonale. Bon, j'ai absolument aucune idée de ce que je pourrais faire. Mais... Alors moi, je tente faire des petites cellules. c'est pas con. Ouais, c'est pas con, c'est l'idée. Bah, vous êtes plus malin que ce que j'avais proposé. Hein. Moi, je propose comme première façon de jouer, je suis un matheux, hein, je joue au hasard, quoi. Ah ouais? Bah ouais, je sais pas. C'est sûr. Sur un malentendu. Ouais. Parce que moi, la première idée qui me vient, c'est de jouer petit à petit en formant un territoire, en mettant pierre par pierre pour former une bordure. Ouais, non, c'est des meilleures stratégies que moi, mais ouais, moi, j'étais plutôt parti sur un algo, donc qui est un peu au cœur d'AlphaGo en plus, donc c'est pour ça que je pensais à ça, mais basé sur le hasard. L'idée, c'est que, imaginez qu'on joue au hasard et qu'on joue contre soi-même. Alors ça va être des parties très pénibles parce qu'il faudra attendre que plus personne veuille jouer pour qu'on arrête de jouer. Mais bon, imaginons qu'on joue au hasard, il va bien y avoir un moment où il y a un gagnant ou un perdant parce que de toute façon c'est un jeu où il se trouve qu'il y a forcément un gagnant parce qu'il y a des correctifs de points dans lesquels je vais pas rentrer. Et donc on pourrait jouer au hasard. Et histoire d'être un peu plus efficace que jouer que au hasard. En fait, au cœur d'AlphaGo, il y a un procédé qui est un peu basé sur le hasard, mais on va voir que AlphaGo fait des choses plus malines. Ben, il va se dire, bon, ben, je vais choisir un nombre de coups au hasard, par exemple, une centaine de coups sur le plateau, ou une dizaine de coups. Et pour chacun de ces coups, je vais jouer des parties au hasard. Donc, comme je viens de vous dire, on joue chaque coup au hasard. Et donc, on imagine le premier coup, il joue une centaine de parties au hasard, et il y en a 60% où il gagne et 40% où il perd. Il va un deuxième coup, il va jouer une centaine de parties au hasard aussi, et là, il y a 90% des parties où il gagne. Bah, il va se dire, tiens, ce deuxième coup, il est vachement mieux. Dans les deux, il a joué au hasard, mais comme il est parti dans un cas d'un coup et dans l'autre cas d'un autre coup, il peut comparer la valeur de coup, vu qu'il a fait des parties au hasard, la seule différence, c'est le premier coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de coups. Alors, je reprends. Vas-y, reprends. On imagine qu'on est au tout début de la partie, et on se dit, c'est quoi le meilleur début de partie que je puisse faire? Et on va se dire, bah, je vais commencer par jouer dans un des points plus noirs du plateau, celui en haut à gauche, et là, je vais faire 100 parties. Au hasard. Donc, je vais jouer contre moi-même en jouant au hasard. Sauf que le premier coup, c'est toujours celui-là. Ouais. Et je vais regarder combien de fois je gagne. Et là, imaginons que je gagne 60% du temps. Parce qu'il y a forcément, c'est un peu plus, ça va être, en fait, à mon avis, sur le premier coup, ça va être plutôt genre 51%. Mais bon, disons 60%. Et quand t'as fait 100 coups, tu m'as dit, Non, j'ai fait 100 parties qui commencent par ce coup-là. Mais des parties complètes, hein, jusqu'au bout. Alors qu'il y en a des milliards de milliards. C'est ça qu'on a compris. Ah oui, j'en ai fait qu'une centaine. Oui, bah, parce que j'ai pas beaucoup de puissance de calcul. Donc, j'y vais gentiment. Okay. Et après, je fais la même chose, mais en partant, par exemple, du milieu du plateau. Où là, mon premier coup, c'est le milieu du plateau. Et après, je joue 100 parties au hasard, et cette fois-ci, imaginons que j'en gagne 40 sur 100. Ben, je vais me dire, ça a l'air d'être mieux de partir d'en haut à gauche. Oui. Alors, il n'y a que du hasard partout, hein, mais en fait, j'ai quand même pu comparer deux coups, vu que la seule différence que j'ai, c'est le premier coup que j'ai fait. Oui, mais à part ça, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un biais dans ces 100 par rapport aux milliards de milliards de parties ? Ben si. Alors justement, en fait, ces méthodes-là, c'est ce qu'on appelle des méthodes de Monte Carlo. C'est quand on a des choses où il y a beaucoup trop de calculs à faire, ouais, on va essayer de faire au hasard des échantillons sur ces parties. Et donc là où tu as raison, Pierre, c'est qu'en général, il faut faire un peu attention. Il ne faut peut-être pas prendre 100 parties, peut-être qu'il faut en prendre 10 000 par coup. Pour histoire d'être un peu mieux. Mais c'est des manières d'approcher qui sont pas mal, en fait. D'accord. Donc, même si tout est au hasard, c'est une manière d'approcher. Par exemple, si on fait un algo de Go comme ça, ce que j'ai lu, c'est que, alors que, comme j'ai dit, c'est très con comme algo, il arrive à avoir un niveau de très bon amateur. De base. Juste en faisant, voilà, des coups au hasard où il compare. Alors, il n'a pas du tout un niveau de professionnel, il en est très très loin, mais il a un niveau de ce qu'on appelle le niveau 1 Dan, qui est un niveau de bon amateur. Très bien, donc ce serait, en gros, il se serait fait une matrice de coûts qu'il aurait pondéré en faisant cette chaîne de Markov pour... Ouais, en faisant des parties au pif, mais en commençant toujours par les coûts qu'il veut tester. Ok, d'accord. Bon. Voilà, et en fait, au cœur d'AlphaGo, il y a ce système-là. Alors, on va voir que c'est beaucoup plus raffiné que ça, mais il y a ce système de dire, comme je peux pas essayer toutes les parties, bah, je vais en essayer au pif quelques-unes. Et je vais choisir celles qui me paraissent le mieux au vu de mes estimations. Alors, ce qui est assez amusant là, c'est que vous devez être assez étonné qu'un truc comme ça puisse marcher, mais c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, ces méthodes de Monte Carlo, quand on peut pas faire tous les calculs, bah, d'aller les faire grâce à un peu de hasard en testant au pif les solutions, quoi. Lui, je dis Markov, mais c'est Monte Carlo, Reno. Ouais, c'est Monte Carlo. Après, je crois qu'il y a des liens. Je suis pas dans les détails, mais je crois qu'il y a des liens. Donc, dans le cœur d'AlphaGo, c'est clairement pas du hasard. Vous allez voir que il y a pas de système au hasard comme ça derrière. En tout cas, pas à ce point-là. Mais il y a cette logique de dire, je vais pas pouvoir explorer tout l'arbre des possibilités. Donc, je vais partiellement essayer des trucs et je vais en fonction de ça décider. Ouais, c'était précisément une des questions qu'il y avait donc de gros bêta sur la chatroom qui disait faire les coups au hasard, c'est pas comme explorer l'arbre des possibilités partiellement. Tu viens de dire ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais quand tu disais par exemple, tu fais 100 parties au hasard sur par coup que tu veux tester. Virtuellement au début, tu testes toutes les cases. Ah ben non, t'en testes que quelques-unes que t'as choisies. Ouais. D'accord. Parce que ce hasard-là, par contre, il est pas super significatif, du coup. Non. Mais ça suffit à avoir un avantage. Non, mais enfin, j'ai dit que ça faisait un niveau de bon amateur. Ça reste un amateur, ça reste pas un très bon amateur. Mais ce hasard, il est pas significatif. Mais si tu, par exemple, tu testes 100 cases, tu commences à en tester pas mal, ou même 50 cases, c'est pas dégueu. Tu commences à faire 1000 ou 10 000 parties. Tu vois, l'un dans l'autre, t'as peut-être pas le coup. En fait, l'idée, c'est que t'as sans doute pas la solution optimale, mais t'as sans doute une solution pas dégueu. C'est un peu, je crois que ces systèmes-là sont par exemple utilisés pour le voyageur du commerce, où tu sais que trouver la solution optimale, c'est un peu compliqué, bah donc t'en testes au pif, mais t'en testes, tu fais un hasard suffisamment malin pour qu'en fait, tu trouves un truc suffisamment bon, quoi. C'est quoi le voyageur du commerce ? Voyageur du commerce, c'est le problème qu'ont Amazon et tous les livreurs, etc., qui est de dire, t'as 50 colis à livrer, à des positions différentes, quel est le chemin optimal pour faire le chemin le plus court pour passer livrer tous les colis. Et ça, c'est un problème qui est connu comme étant très compliqué, c'est-à-dire en temps de calcul, si tu voulais tout explorer, c'est beaucoup trop compliqué, et donc il faut des méthodes, il y a plein de méthodes qui existent pour essayer de trouver une solution pas mal. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est l'optimal, mais on sait qu'elle est pas mauvaise. Je vois. Et on voit qu'il y a des gens qui y arrivent très mal, Chronopost par exemple, quand vous suivez leur livraison, petite anecdote, vous les voyez passer 5 fois à côté de chez vous, vous dites que leur voyageur du commerce n'est pas très bon. Bref, donc voilà, on a une base, un cœur d'algorithme qui est assez intéressant, sauf qu'on a un peu un problème, c'est que comme disait Pascal, bah, choisir des coups au hasard, c'est pas foufou, et comme vous disiez aussi, jouer des parties au hasard, c'est pas dément non plus, quoi. Donc c'est ça où AlphaGo va essayer d'améliorer un peu ça. Et en fait, quand on joue au jeu de Go, on va avoir une approche qui a un peu des similarités, c'est-à-dire que au vu de l'expérience et des parties passées, mais ça comme les échecs hein, d'ailleurs, on va commencer à avoir un feeling sur qu'est-ce que c'est un bon et un mauvais coup. Donc sur un état de la partie, on va se dire « Ah, je sens plutôt jouer à cet endroit-là ou cet endroit-là ». Donc on va avoir déjà une bonne idée de de quelques endroits où ça paraît intéressant de jouer. Et qui pourrait justement servir de base comme coup à tester, justement. Et ça, c'est un peu, quand je vous avais parlé de l'épisode sur le deep learning, on sait qu'avec le machine learning, avec les réseaux de neurones, on est capable justement avec des bases de données d'exemples, bah, d'apprendre à un peu reproduire ces exemples, de généraliser, de dire, bah, voilà, je vais te donner 30 millions de parties de Go, où à chaque fois j'ai un état de plateau et voilà le coup que j'ai joué, et c'est d'apprendre à jouer comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il va jouer aussi bien, mais au moins il aura des intuitions un peu comme on pourrait avoir en ne connaissant tout l'historique des parties de l'humanité, quoi. Et justement, un de ces outils qui a explosé au début des années 2010, dont on a déjà parlé dans Podcast Science, c'est les réseaux de neurones convolés, le deep learning, qui sont justement très efficaces pour détecter des choses dans les images. Et ça, c'est pas anodin pour le Go, parce que comme on disait avant, le Go, c'est quelque chose de très visuel, où on a des territoires qui sont visuels, on a en fait les formes des pierres aussi qui ont des impacts dans la partie. Et le deep learning qui a explosé dans le début des années 2010, il sait gérer des images. Donc dans les images, on a des pixels. Finalement, quand vous regardez un jeu de Go avec du blanc et du noir, on est quasiment dans une image où chaque case, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit il n'y a rien. Et donc, ça ressemble un peu à ce que pourrait manger un algorithme de traitement d'image, vu que c'est comme si on avait une petite image de pixels. Donc, ça ne paraissait pas une idée débile de jouer avec des images. Tu nous rappelles vite fait pourquoi il y a le mot convolé dans réseau de neurones convolé ? Ouais, on va essayer de faire ça sans parler de convolution. Mais en gros, ce qui se fait beaucoup dans les images, c'est quand on veut faire une analyse d'image, souvent on a besoin d'avoir un tout petit peu de contexte. C'est-à-dire que quand tu veux détecter un œil, tu peux pas regarder un pixel et dire ce pixel, je vais deviner si c'est un pixel d'œil ou pas. Ça marche pas. Tu as besoin d'une fenêtre autour de, je sais pas, 30 sur 30 pixels pour chercher l'œil. Et du coup, en général, ce que tu vas te retrouver très souvent à faire dans une image, c'est que tu vas prendre une fenêtre, donc de 30 fois 30 pixels, et tu vas la balader dans une image pour essayer de faire un calcul, et puis tu vas trouver où ton calcul match le mieux avec ce qui t'intéresse. D'accord. Bah, les réseaux de neurones convolés, c'est des réseaux de neurones, donc ça permet de faire de l'apprentissage avec des petites opérations mathématiques simples, et convolés parce que bah, justement, ils ont intégré cette notion de fenêtre qui se balade pour justement coller aux images. Okay. Donc en gros, c'est des réseaux de neurones où il y a des fenêtres à l'intérieur et qui savent du coup bien traiter les images avec leur localité. Parce que les réseaux de neurones, c'est très bête, quand tu lui donnes en entrée une image en pixel, si t'as pas de réseau de neurones convolés, bah, tu vas lui dire que le pixel en haut à gauche et le pixel en bas à droite, on s'en fout qu'ils soient pas à côté, en fait. C'est comme s'ils étaient à côté, c'est comme s'ils y étaient pas, on s'en tape. Là où dans un réseau de neurones convolé, tu vas dire non, en fait, ils sont à côté. Et ça a du sens qu'ils soient à côté. Donc, ça paraît pas bête, du coup, d'utiliser des réseaux de neurones convolés pour le Go, quoi. Ok. Bah, ça vient de convolution, en fait. J'ai essayé de traduire en français, en anglais, de toute façon, c'est convoluted neural network. Et ça vient de la convolution. Je sais pas si t'en as entendu parler de ce terme, comme on n'est pas dans les mêmes domaines. Oui, on parle de convolution en microscopie confocale, mais voilà. Je pense que c'est absolument pas le même principe. Mais il y a des chances. Bon. Et voilà. Et alors, quand on avait parlé de l'épisode sur le deep learning, j'étais pas rentré en détail sur comment on permet à une machine d'apprendre. Et avec tous les articles qu'on voit depuis cet épisode sur les ordinateurs sur le point de dominer l'humanité. On peut croire que c'est assez facile à faire. Et en fait, je vais vous en parler un peu parce que on voit qu'en fait, il y a un petit côté artisanal quand même quand on essaie de faire marcher des réseaux de neurones et que c'est pas toujours très joli. Mais, bah, oui, il faut faire le travail pour que ça marche. C'est-à-dire que là, je vous dis que j'ai une base de données de 30 millions de parties et je sais que j'ai des algorithmes qui peuvent apprendre, mais il faut que j'arrive à faire parler ces deux trucs ensemble. Et un réseau de neurones, ce que ça prend en entrée, bah, là, je vous disais, c'est des images, c'est-à-dire c'est une grille de pixels avec des valeurs. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'il sait faire, et il sait pas faire plus. Et alors, déjà, faut se poser la question, bah, mes parties, c'est pas une grille de pixels. Mes parties, c'est 120 coups avec une grille qui se remplit au fur et à mesure. Donc, comment je traduis ça? En sortie d'un réseau de neurones, j'ai souvent un score. Là, mon score, ça va être quoi? Au Go, je peux mettre le nombre de points. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Etc. Donc, par exemple, pour AlphaGo, ce qu'ils se sont dit, qu'ils allaient prendre toutes les parties, ils allaient exploser les coups. C'est-à-dire, ils allaient séparer tous les coups de toutes les parties et considérer que c'était des éléments indépendants, c'est-à-dire ils ont le coup de la partie 1 et le coup 23 de la partie 118, ça leur fait, d'ailleurs c'est pas 30 millions de parties, c'est 30 millions de coups, ça leur fait une énorme base de données de coups joués au Go. Donc, ils savent qu'il y a une pierre qui a été jouée à cet endroit-là, et voilà l'état du plateau. Et ils savent un autre truc hyper important, ils savent qu'à la fin, noir a gagné. Donc, en gros, ils ont noir à jouer à cette case-là, sur ce plateau-là, à la fin il a gagné. ou à la fin il l'a perdu. Et donc ce qui déjà ils ont codé dans leur réseau, ils se sont dit bah du coup de ça on va dire qu'on a un état de plateau, et en sortie on a un score qui va être 1 s'il a gagné, moins 1 s'il a perdu. Et ils vont dire voilà, moi je veux que t'apprennes ça, je veux que t'arrives à, t'as un état de plateau, t'arrives à deviner si il va perdre ou pas. Qui est exactement ce qu'on voulait faire avant. Et en fait, s'ils aient que ça, ils se sont rendus compte, à mon avis, que ça marchait pas très bien, et ils ont été obligés d'introduire plein d'autres trucs dans le réseau neuronal, donc ils se sont pas contentés du visuel du plateau. Ils ont rajouté des petits éléments que, typiquement, très vite, on apprend à faire au Go. Des petits éléments de règles, par exemple, combien de pierres il reste pour réussir à entourer un groupe de pierres données pour qu'il se fasse capturer. Donc, est-ce qu'il est plutôt en danger ou pas? Ça, ils lui ont donné en entrée du réseau. Ils ont dit, tu vois, là, ce groupe de pierres-là, il faut 5 coups pour le prendre, donc fais attention, fais pas trop attention. Ils ont aussi un mis dans le réseau, quelle était la taille des groupes de pierres, donc pour voir s'ils étaient importants ou peut-être moins importants. Est-ce que cette pierre, elle risque de se faire prendre dans un des 1 ou 2 pièges très classiques au Go? Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de dire, il y a une sorte de boîte noire géniale qui apprend, bah en entrée, ils lui ont donné quand même quelques éléments de règles pour l'aider. Pour lui dire, tu vois, ça, c'est un peu important dans le jeu. Derrière, tu vas pouvoir apprendre à déduire si c'est gagné ou perdu. Et cet élément-là, ça peut t'aider, quoi. Donc, on est un peu loin de la machine, elle apprend toute seule comme une grande, qu'on entend souvent dans les médias, quoi. Ouais, en gros, il y a des experts de Go qui étaient là pour fournir énormément d'input dans le réseau neuronal pour que c'est un sens, quoi, pour que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour aider. Et puis je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ils ont dû se rendre compte que le truc faisait des erreurs débiles et ils se sont dit, bah tiens, on va lui rajouter cette information-là qui va l'aider à apprendre. D'accord. Et voilà. Enfin, en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des algos de machine learning qu'on arrive à faire fonctionner aujourd'hui, souvent, c'est pas joli joli. Il y a un peu d'artisanat comme ça, où soit on leur donne plus d'informations, soit il y a du traitement qui est fait avant ou après pour aider le réseau. Donc c'est pas de la triche, parce que le but, c'est de faire un algorithme qui fonctionne. Mais c'est pas magique, quoi. C'est pas, on te file les données, puis pouf, ça marche, et tout le monde est content. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a du travail, et que DeepMind a eu du travail. Quoi. Bon, bref, à partir de là, grâce à leur réseau et grâce à ces parties, ils ont pu entraîner un réseau qui était capable, pour une position du plateau, de lui donner une sorte de note, de dire, ben en fait, en jouant là, ça, je lui donne 80% de chance de victoire, 20% de chance de victoire, 30% de chance de victoire, enfin, de donner une note à ça. Et là, ça commence à devenir très intéressant, parce que si on revient à notre recherche de Monte Carlo avant, qui cherchait des coups au pif, ben déjà, on a une sorte de heuristique pour choisir un coup qui est un peu plus intéressant. C'est-à-dire, au lieu de prendre 10 coups au hasard qu'après on va tester, on peut prendre les 10 coups qui lui paraissent les plus intéressants selon le réseau de neurones. Et là, on se rapproche d'un peu de ce que ferait l'humain, c'est-à-dire de dire, bah, j'ai mon intuition qui me dit que ces 10 coups sont intéressants, c'est ceux-là que je vais explorer. Donc déjà, en faisant ça, on va lui dire, le réseau de neurones dit, ces 10 coups sont très intéressants, bah, allons les explorer avec des parties au hasard. Et pouf, on commence à avoir un réseau qui fait des choses plus intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Yes. Ouais. Ça me parle bien. En gros, on a une sorte de mimer l'intuition humaine en utilisant ce réseau de neurones, mais tout en guidant régulièrement des inputs pour éviter qu'il fasse trop de catastrophes, quoi. Ouais, c'est ça. Et le réseau de neurones, du coup, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va voir après qu'on va continuer à le faire apprendre. Et au lieu de choisir, par exemple, le meilleur coup qu'il donne, bah, comme ce truc donne des scores, par exemple, il va dire, là, il y a 70% de chance de victoire, là, il y a 30% de chance de victoire, on va continuer à tirer au hasard les coups qui nous intéressent, mais on va les pondérer par les scores que donne le réseau de neurones. C'est-à-dire que si un coup paraît 9 fois meilleur qu'un autre, il aura 9 fois plus de chances d'être testé. D'accord. Mais ça voudra pas dire que l'autre a pas de chance d'être testé. Ça, c'est pour garder un peu de dynamique au réseau qui fait que quand il va devoir apprendre en jouant, bah, il pourra des fois essayer des trucs. Sinon, il essaye jamais rien parce qu'il joue tout le temps son coup optimal, donc il teste pas, quoi. Ce qui est une sorte de manière d'implémenter un peu de la créativité dans le truc, quoi. D'accord. Voilà. Et l'autre aspect qui est, voilà. Et l'autre aspect où ils ont utilisé un autre réseau de neurones dont je vais parler tout de suite, c'est que au lieu de jouer des parties au hasard, quitte à avoir un réseau de neurones, en fait, ils en ont entraîné un autre, qui était quasiment le même, sauf qu'il l'avait optimisé pour qu'il soit très rapide, pour qu'on puisse très rapidement évaluer une partie. Donc il était moins bon que le premier, mais ça leur permettait qu'au lieu de jouer des parties au hasard, ben, ils jouaient des parties avec leur deuxième réseau de neurones. Et comme ça, ils jouaient des parties qui donnaient une meilleure estimation de est-ce que je vais gagner ou perdre en jouant ce coup-là. Ils se sont fait deux adversaires virtuels pour pouvoir augmenter la vitesse. Alors, c'est pas deux adversaires virtuels. C'est vraiment que t'as un peu deux réseaux de neurones. T'en as un qui est très élaboré, qui est un peu long, un peu lent, qui lui va avoir l'intuition dont tu parlais avant. Mm-hmm. Et l'autre qui permet de, un peu comme nous on fait, d'aller très rapidement jouer une partie pour voir si c'est un coup gagnant ou pas. Ok. Donc, c'est un peu comme toi où toi, quand tu joues à un jeu, typiquement sur ces jeux abstraits, tu vas imaginer les coups suivants du coup que tu veux jouer pour te dire est-ce que ça paraît être un bon coup ou pas. Quand tu fais ça, t'es pas aussi bon quand tu choisis ton premier coup, parce que quand tu choisis ton premier coup, t'es dans une stratégie plus globale. Là, tu vas essayer très rapidement un ensemble de coups parce qu'il y en a beaucoup à tester. Ben là, c'est un peu pareil. T'en as un qui va rapidement aller jouer sa partie et t'en as un autre qui va un peu choisir de manière plus forte la partie, quoi. Ok. Et grosso modo, c'est comme ça qu'AlphaGo fonctionne. C'est-à-dire qu'il a donc son premier réseau qui choisit des coups qui l'intéressent, et son deuxième réseau qui va les jouer pour voir si ça lui donne plus ou moins de victoires. Et après, il va choisir le coup qui combine une bonne intuition et une bonne suite de coups derrière, une bonne suite de parties derrière. C'est clair ? Yes. Ah ouais. Et alors, ça s'arrête pas là, parce qu'à ce stade-là, quand vous avez fait ça, vous avez grosso modo un réseau qui est parti de parties professionnelles. Donc, on peut espérer au meilleur du meilleur qu'il va arriver à peu près au niveau des professionnels. Mais si on veut les dépasser, faut qu'il continue à s'améliorer, quoi. Et donc, c'est à partir de là où on a un premier réseau qui a un très très bon niveau, qu'on va faire jouer contre lui-même. Et l'intérêt à faire jouer contre lui-même, c'est qu'on fait deux exemples de parties d'un coup, une partie qui gagne et une partie qui perd. Et on va tâcher de faire ce qu'on appelle du renforcement, c'est-à-dire qu'on va tâcher de faire que le réseau apprenne de ses échecs ou de ses victoires. Donc il va jouer une partie contre lui-même, et à la fin, il sait qu'il a gagné ou il a perdu. Donc il va regarder tous les coups qu'il a joués, et s'il a perdu, il va aller influencer son réseau de neurones en disant « Ben en fait, tous les neurones qui m'ont donné envie de jouer ce coup, je vais les défavoriser, et inversement, je vais les favoriser si j'ai gagné. » Et comme ça, je vais petit à petit adapter mon réseau de neurones à être meilleur. Ok. Donc c'est là, c'est enfin là le moment où il va faire des parties virtuelles. Voilà, où il joue contre lui-même. C'est-à-dire que, et quand il joue contre lui-même, il fait des parties virtuelles pour estimer ses coups. D'accord. Donc il y a vraiment plein de niveaux de parties virtuelles. Et là, c'est comme ça qu'en entraînant ce truc-là, on est arrivé à l'algorithme qui a battu l'ICEDOL 4 jeux à 1. Et pour l'anecdote, la défaite qu'il a eue contre l'ICEDOL, en fait, c'était un bug qui a été corrigé un peu plus tard. Et du coup là, alors désolé, salut tout le monde, moi j'arrive un peu à l'arrache, complètement à l'arrache même. Bonjour Alexa. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'étais coincée dans une réunion à la fac. Du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est du renforcement de ton réseau en fait que l'algorithme fait, si j'ai bien compris. À la fin, ouais. Donc d'abord, il y a deux réseaux de neurones avec un arbre de décision de Monte Carlo. Et ce truc-là, ils ont mis un renforcement dedans. D'accord. Donc c'est un peu comme ce que Cléora a expliqué pour la mémoire, dans l'épisode mémoire, où finalement les traces mnésiques des expériences se renforçaient. C'est un peu le même genre de choses qui se passent. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est fait de manière relativement bête, parce qu'ils considèrent que tous les coups d'une partie gagnante sont intéressants. Ce qui, en fait, à mon avis, n'est pas très vrai. Mais comme il n'a pas mieux comme manière de faire, il fait comme ça. Alors en fait, après, ils ont en vrai AlphaGo. D'ailleurs, même des AlphaGo, ils ont aussi un troisième réseau qui est capable d'estimer la qualité d'un coup. Et donc, ils pondèrent aussi le renforcement par la qualité d'un coup. C'est-à-dire qu'ils ont fait un réseau qui est capable de dire ce coup-là m'a fait gagner 20 points d'un coup, alors que celui-là plus un point. Donc, ce coup-là est plus important que l'autre. D'accord. Mais bon, ça, j'ai un peu passé outre parce que déjà deux réseaux de neurones, ça suffisait. Mais voilà, il y a un autre réseau qui est capable aussi de pondérer ce renforcement pour aller encore un peu plus loin, quoi. Et voilà. Donc, si on résume, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parle souvent dans les articles de tiens, le machine learning a détruit tel truc et tel truc, mais on voit qu'en fait, c'était pas automatique de faire marcher un algo de machine learning pour battre au Go. Et que ça demandait en fait pas mal de travail et un peu d'artisanat pour faire marcher vraiment les paramètres, etc. Donc c'est un peu ça qu'il faut retenir. Et malgré tout, Le problème, c'est que ça, c'est vrai, sauf que depuis, il y a eu un autre algorithme de la même société qui s'appelle AlphaZero. Et qui, AlphaZero, est capable de battre le AlphaGo qui a battu Lee Sedol sans partie à zéro. Donc, il écrase complètement AlphaGo. Et AlphaZero, il a une particularité qui va me faire remettre en question tout ce que je vous ai raconté, qui est que lui, il a utilisé aucune donnée humaine pour s'entraîner. Il a joué contre lui-même et il écrase donc tous les humains. Donc son petit nom à lui, c'est Skynet, c'est ça ? Bah, c'est ça. Et pour compléter le truc, c'est que je vous ai parlé donc d'un algorithme relativement compliqué avec du Monte Carlo, avec des trois réseaux de neurones. AlphaZero, c'est un réseau de neurones. C'est tout. Alors, beaucoup plus gros. Mais en fait, l'algorithme est beaucoup moins complexe. Et pourtant, le truc marche beaucoup mieux. Et en fait, il marche tellement bien vu qu'il n'a pas besoin de partie humaine que maintenant, il a été décliné pour plein d'autres jeux. C'est-à-dire que c'est le meilleur algorithme aux échecs, c'est le meilleur algorithme au shogi, qui sont les échecs japonais, etc. Sur plein d'autres sociétés. Je crois qu'il a été aussi décliné pour StarCraft, il me semble. Mais là, il n'arrive pas encore à battre les meilleurs joueurs. Tu vas nous dévoiler quand même comment il fait ou pas ? Ben alors, je voudrais bien, mais j'ai essayé de comprendre. En gros, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment qu'un gros réseau de neurones qui combine un peu tout ce que je vous ai raconté avant. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de jouer des parties, même avec son réseau, le réseau de neurones est capable d'estimer à l'avance le plateau s'il va gagner ou perdre. Donc c'est le réseau qui fait ça tout seul et qui est renforcé automatiquement. Il fait plus vraiment des tirages de Monte Carlo parce qu'il estime ça. En fait, il estime tout directement. C'est un énorme réseau de neurones qui apprend tout ça et qui fait du renforcement avec lui-même. Donc au début, il joue très bête, mais très rapidement, il arrive à progresser. Et il a plus non plus ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire encoder les... Il n'a plus d'aspects artisanaux où les gens sont intervenus pour... Il a plus ces trucs-là où on lui donne des règles, etc. Donc c'est une sorte de généralisation complètement d'Alpha. Ah oui, il a plus... Donc c'est là, maintenant, où on a peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est maintenant où on a peur, on est d'accord. Ah oui. Voilà, c'est ça où on a un peu peur. Alors, on a un peu peur, oui et non. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au Go, hein, AlphaZero. et en fait, il sait rien faire d'autre. Mais en effet, ça a été un progrès qui était assez impressionnant, qui est beaucoup moins intéressant à raconter dans le podcast science, parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué à comprendre. Et en fait, c'est pas plus intéressant, je trouve, au niveau structure. Par contre, la prouesse est impressionnante parce qu'il n'a pas utilisé de données humaines. Il fonctionne beaucoup mieux et il écrase, c'est-à-dire que là on est à un niveau qui est largement au-dessus d'AlphaGo quoi, dont je parlais avant. Il s'est pas mesuré à Lee Sedol, ça n'a absolument aucun sens de le faire. Lee Sedol, il a perdu 4 parties à 1 contre le AlphaGo, et d'ailleurs contre la première version d'AlphaGo. AlphaZero, il gagne 100 parties à 0 contre AlphaGo. Et est-ce qu'il a fait un commentaire pour dire « Ah, j'aurais jamais pu gagner dans ces parties-là » Lee Sedol, il a pris sa retraite du Go, et je crois que c'est plus ou moins du fait de l'arrivée des AI. D'accord, ok. Mais t'imagines, putain, les nerfs. Non, je pense pas, il a trouvé ça. En fait, il y a un super documentaire sur YouTube sur AlphaGo, que je vous conseille tous, qui est gratuit, hein, et où tu vois que... ils ont été, en plus, les Asiatiques ont été assez impressionnés de voir qu'une machine arrivait à reproduire des comportements qui étaient très humains, d'intuition, etc., quoi. Ou des coups très impressionnants, et surtout qui s'est mis à jouer. Et quand ils ont découvert ça, tu le vois dans le film, il y a des coups à un moment dans le match contre Lee Sedol où t'as les commentateurs qui sont en train de se foutre la gueule d'AlphaGo parce qu'il fait un mauvais coup. Et en fait, ils se rendent compte 10 coups plus tard, ah non, mais c'est pas mauvais, en fait. Ça se passe plutôt bien. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant de voir ça. C'est assez impressionnant là-dessus, quoi. Et comme ça l'a été pour les échecs, hein, d'ailleurs, les échecs depuis ont pas mal progressé grâce à l'AI. Et quand tu disais que ça a détourné du Go, moi je trouve que ça permet aussi de découvrir le jeu de manière plus facile. Parce que maintenant, quand tu joues en ligne, à la fin, tu peux avoir une analyse par l'AI de ta partie. Donc des fois, c'est un peu compliqué à analyser, mais des fois, tu vois qu'il y a un coup qui t'a fait perdre. Et tu vas le voir, tu comprends, à faire « Ah ouais !» Et il te dit « Non, t'aurais dû jouer là-haut. » Et tu te rends compte que t'as des réflexes humains que l'AI n'a pas. Par exemple, t'allais t'acharner à essayer de tuer un adversaire, alors que si tu jouais en haut à gauche, c'est bon, t'avais plus de territoire, t'as pas besoin de le tuer. D'accord. Tuer ou capturer ses pierres, quoi. Il nous faut... C'est un peu paternaliste, là, tu vois, genre le truc, genre, ah, espèce d'humain, tu ne cherches qu'à détruire ton adversaire, mais tu devrais... Non, mais ben, moi, c'est des trucs que j'ai remarqué qui sont hyper intéressants. T'as des AlphaGo, qui, maintenant, tout le monde joue comme ça au Go, il est obsédé par les coins, c'est-à-dire il va attaquer les coins comme un bourrin, alors que les joueurs le faisaient pas trop, parce qu'il dit, bah, en fait, il y a plein de points à prendre, moi, j'y vais, quoi. D'accord. Et donc, donc ouais, ça te fait voir, mais voilà, mais oui, Alpha Zero, ça a ce côté frustrant, moi, quand j'ai fini le bouquin sur Alpha Zero, de dire, ah ouais, mais en fait, Alpha Zero, il n'y a rien à raconter au niveau structure, c'est un gros réseau de neurones, quoi. Et qui fonctionne mieux que tout le reste. Mais je trouvais que la structure d'AlphaGo était intéressante comme première étape. Mais ils sont partis de zéro pour faire Alpha Zero, où il y a quand même quelque chose qui était présent dans AlphaGo qu'ils ont réutilisé dans ce réseau de neurones. Ouais, c'est très très inspiré d'AlphaGo. Il y a beaucoup de choses similaires. Après, je pense que les réseaux étaient très similaires, etc. T'as un peu l'impression que AlphaGo, c'est un peu le travail où au bout d'un moment, t'as réussi à faire fonctionner le truc. Et Alpha Zero, t'as l'impression que c'est la version clinée, quoi. Où ils ont un peu nettoyé tous les trucs superflus. Ok. Et ils en ont fait un beau réseau au milieu, quoi. En se disant, mais finalement, ils ont pas réinventé la roue, quoi. Pas complètement, mais quand même un peu. Déjà, ce qui est épatant, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de données humaines. Mais tu vois, juste se dire, bah, finalement, jouer des matchs avec un réseau de neurones, est-ce que c'est pas un peu con quand j'ai un réseau qui est capable d'estimer la qualité de mon plateau? Bah, un peu. En vrai, si tu te poses deux secondes la question, et du coup ils se sont dit bah autant que ce soit le réseau qui lui-même fasse ça. Ce qui est épatant dans Alpha Zero, c'est qu'ils aient réussi à entraîner ce truc, parce que plus ton réseau est grand, plus c'est dur de l'entraîner. Et là le truc arrive à s'entraîner tout seul sans données humaines, ça c'est assez impressionnant. Surtout que le renforcement, souvent, bah, d'ailleurs je sais pas si c'est pareil en psychologie, Cléora, si tu pars de, enfin quand tu pars de rien du tout, bah AlphaGo il joue comme un débile, quoi. Il est même pas comme un débile, il joue pire que comme un débile, quoi. Il joue n'importe comment, il joue au hasard. Donc souvent, t'as besoin pour le renforcement de partir d'un niveau pas trop mauvais pour t'améliorer. Tu peux pas partir de 0-0. Et là, en fait, ça marche en partant de 0-0. Ce qui est dingue. Right. Voilà, Walou, pour le Go. Et sinon, donc, allez voir le documentaire sur YouTube de... d'AlphaGo, je vais le mettre dans la chatroom, et pour info, j'aurais dû le préparer, je vais le préparer là maintenant, je me suis servi d'un bouquin qui est très bien, qui s'appelle Deep Learning and the Game of Go, si vous avez envie d'avoir les détails techniques. Alors c'est pas un bouquin pour tout le monde, hein. C'est un bouquin pour les gens qui ont envie de rentrer dans le gras. Pour tout le monde, c'est le documentaire, vous avez même pas besoin de voir vous avez même pas besoin de connaître les règles et vous allez trouver ça sympa quand même. J'ai un streamer aussi qui vulgarise pas mal le Go. Il s'appelle Isoka, Hisokah, sur Twitch. Yes. Qui fait des gros commentaires de parties de pro, c'est assez impressionnant. Hein, ah des oui, fois, oui, tu comprends pas tout, mais t'es juste pris dans... et voilà, et jouer au Go, finalement. Eh ben, merci. Est-ce qu'on a encore des questions? J'imagine que non, on a tout fait le tour. Hein. Ouais, je crois. Eh ben, on va conclure là-dessus. Alors, merci beaucoup. Comme ça, en plus, on a... Ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris un truc comme quoi... Attends, juste une remarque sur ce que disait Beta. Ouais. Beta dit, si AlphaGo utilise des données humaines et que AlphaZero utilise AlphaGo, alors AlphaZero utilise des données humaines. Alors... il a bien fait de faire cette remarque parce que j'ai dit quelque chose de pas clair du coup. Dans la structure des réseaux, il y a des inspirations qui viennent d'AlphaGo, mais au niveau de l'entraînement des réseaux, donc c'est-à-dire ce qui utilise les données, il n'y a pas du tout de données humaines qui ont été utilisées. Donc il n'y a vraiment pas de données humaines qui ont été utilisées dans AlphaZero. C'est plus au niveau de comment sont structurés les réseaux, le problème qu'elles résolvent, qui peuvent avoir des similarités. Mais au niveau de données, ça n'utilise pas de données humaines. Ouais. L'humain a imposé la structure, et puis après, ça s'est développé tout seul. Bah, ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a encore pas en machine learning, c'est des réseaux qui tout seuls apprennent à résoudre, à choisissent un problème à résoudre. Et du coup, quand tu compares, parce que bon, c'est des trucs qu'on fait beaucoup en biologie aussi, du coup, je trouve ça méga cool de comparer. Quand tu compares, on va dire, l'output théorique que peut te produire AlphaGo avec l'output des données humaines. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on voit des différences? C'est-à-dire? Entre un joueur pro et AlphaGo? Tu fais tourner ton AlphaGo, et t'as des résultats possibles. Tu vois, c'est comme quand tu fais tourner un modèle. Ouais. Et si tu compares aux données humaines, est-ce qu'il y a des différences? Ah ben ça a totalement changé la manière de jouer au Go des pros, hein, et même de la plupart des joueurs. Ça a fait qu'il y a plein de coups qui sont apparus qui existaient pas avant. Il y a des coups qui ont un peu disparu parce que AlphaGo disait non mais c'est tout pourri. Il y a les débuts de partie un peu codifiés, les ouvertures dont vous parliez, qui sont devenues un peu moins importantes parce qu'AlphaGo avait l'air de dire non mais en fait les ouvertures vous êtes gentils mais moi j'ai des trucs un peu plus custom qui marchent mieux. Donc ça a vraiment changé la manière de jouer au Go. Et j'avais vu un article où il disait qu'en fait le niveau avait fait un bond juste après AlphaGo parce que les pros avaient appris à jouer comme l'algorithme. Et t'as des chaînes YouTube assez intéressantes où t'as des joueurs qui analysent des coups et des parties de pro avec AlphaGo pour voir justement ce qu'ils peuvent apprendre. Parce que donc le AlphaGo est disponible à l'utilisation. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer d'ailleurs. Je suis con, j'ai une image. Oui, c'est totalement disponible. Tu peux l'installer sur ta machine et t'as un logiciel qui s'appelle Catrain qui te permet. C'est ça que je vais vous partager en image là qui devrait arriver, qui te permet de voir en temps réel une analyse machine learning de ta partie. Et d'ailleurs, qui permet aux tricheurs, j'imagine, de tricher. Je sais pas s'il y a des logiciels plus efficaces. Et donc, il y a une image qui va arriver. Vous allez voir. En gros, ça te montre sur le plateau les zones du plateau qui sont les plus intéressantes pour jouer, le meilleur coup et la courbe de qui est en train de gagner pour chaque coup. Donc, ça te permet d'analyser assez finement les parties. T'as même maintenant des gens qui ont repris ce truc-là et qui font des services en ligne qui peuvent te dire, tu vois, là, les pierres-là, tu les as perdues sur ce coup-là. Voilà, là j'ai l'interface qui vient d'apparaître. Donc vous voyez le plateau, les petits points verts, c'est les points qui sont intéressants à jouer. Plus ils sont verts, plus c'est intéressant. Plus ils sont rouges, plus c'est pénalisant. À droite, vous avez les courbes, vous avez la courbe de score et de pourcentage de victoire. Donc la courbe verte, c'est les chances de gagner. La courbe bleue, c'est le score. Mm. Et du coup, c'est un outil. Et sur le plateau, vous voyez aussi une estimation du territoire, c'est-à-dire les intersections qui sont d'une couleur blanc ou noire. C'est en gros, elles ont des bonnes chances d'être un territoire de la couleur en question. Bon, quand même, faut avoir joué, à mon avis, une ou deux fois quand même pour se rendre compte. Oui. Moi, c'est bizarre, mais en plus, j'ai l'impression de voir des illusions. Il y a ces illusions assez célèbres où tu mets un quadrillage et tu as des points noirs et évidemment, tu les vois blancs parce que ton cerveau, il marche pas bien. Toi, ouais, là, c'est rajouté, c'est pas de la triche. J'ai vraiment l'impression de voir ça. Eh bien, on commence par des plus petits plateaux aussi, quand on commence. Par un 19 sur 19. On est rapidement là. Ah oui, j'en ai pas parlé, donc vous pouvez commencer. Moi, j'ai joué pendant 2 ans, en fait, au 9-9, qui est très bien, qui est beaucoup plus rapide et un peu plus abordable. Le 19-19, je m'y suis mis il y a pas longtemps, là, et c'est un peu plus compliqué. Et, ouais, et puis voilà, quoi. Sur KGS? Alors, sur OGS. KGS, c'est un peu vieillot, mais il y a plus de joueurs. Mais OGS, pour débuter, c'est mieux. C'est plus facile d'accès, ça marche mieux. Pour les auditeurs qui ne savent pas, KGS, OGS. Donc, OGS, c'est un site internet qui s'appelle Online Go Server, et donc qui permet de jouer au Go en ligne gratuitement. Et KGS? Et KGS, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un autre truc qui permet de jouer en ligne gratuitement. Sauf que l'interface est un peu plus vieillot, il faut télécharger un logiciel, c'est un peu moins facile d'accès. Mais il y a plus de joueurs. Mais il y a plus de joueurs au niveau sur KGS que sur OGS. Mais pour débuter, vous pouvez aller sur OGS. Y a pas de... Puis il y a toujours du monde qui est prêt à aider et tout. C'est vachement bien la communauté dessus. Eh ben. Et oui, d'ailleurs, pour débuter, ce qui est intéressant sur le Go, c'est qu'il y a un système de handicap qui est très très bien foutu. En gros, on rajoute des pierres sur le plateau au début de la partie. Et ça fait qu'il n'y a aucun des deux joueurs qui a trop l'impression de jouer à une partie dégradée. C'est intéressant pour les deux joueurs, quoi. Contrairement aux échecs où, en gros, le handicap, souvent, c'est de retirer genre la reine ou la tour ou des choses comme ça. Du coup, t'as un peu l'impression de jouer une partie dégradée au Go. T'oublies assez vite qu'il y avait des pierres en plus au départ. Donc, ouais, allez-y, c'est rigolo. On apprend plein de choses sur soi-même. En tout cas, on a appris plein de choses sur le deep learning, ça, c'est cool. Ça ressemble un peu au jeu de vie aussi, je trouve. C'est très organique, le jeu de Go. Ouais. Ouais, y a un peu de ça, ouais. Et bien, tu peux faire un jeu de la vie sur un Goban. Est-ce que je conclue? Attends, il y a une citation là. Il y a la citation. Ah, ouais. La citation. En plus, j'ai l'impression que c'est on point sur ce que vous venez de dire. Ouais, c'est un tout petit, ah, oui, il y a l'organique un petit peu du trolling en plus. Qui c'est qui veut faire la... c'est Alexa qui lit les citations en anglais, c'est ça? Moi, je peux lire des citations en anglais, si vous voulez. J'y vais, alors. Allez, vas-y. Alors, attends, je regarde à voir. While the Baroque rules of chess could only have been created by humans, the rules of Go are so elegant, organic, and rigorously logical that if intelligent life forms exist elsewhere in the universe, they almost certainly play Go. Par Edward Lasker. Voilà. Voilà. Rien à rajouter. Donc en français, peut-être une traduction. Mal anglais, ouais, c'est ça. Bien que les règles baroques des échecs ont seulement pu être inventées par des humains, les règles du Go sont tellement élégantes, organiques et rigoureusement logiques que si une autre forme d'intelligence dans l'univers existe, elle joue probablement au Go. Et alors, et pourquoi ils auraient choisi 19 sur 19? Ouais, ça, mais en fait, tu peux jouer, il y a des gens qui jouent au 17 sur 17 aussi, au 13 sur 13. Ou sur, ah oui, d'ailleurs, il faut que j'en parle parce que je suis matheux de la bande, hein, mais le Go sur un tor, il y a que ça de vrai, quoi. Donc le Go sur un tor, pour info, c'est qu'on connecte les bords comme dans Pac-Man, le haut va en bas et le bas va, et la droite va à gauche, quoi. Ça m'est malade. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus de bords. Donc c'est parfait. Il n'y a plus les limites. Ah oui. Il y a toujours des coins, alors, quand même. Bah non. Non, mais. Tout est. Ah ouais, c'est complètement ouvert. Ah ouais. Ah, vous pouvez jouer en ligne, il y a un site pour jouer au Tor sur. Ils ont fait tourner Alpha Zero sur le jeu de Go en Tor. Ah, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Je crois qu'il s'en fout des tailles de plateau, donc il peut tourner sur d'autres plateaux, mais sur le Tor, je sais pas. Au début, réflexe, j'ai entendu Tor, TOR, genre. Rien à voir, quoi. Ah, ça y est, j'ai chopé Niv dans la chatroom pour jouer au Go Toric. Eh bien, on peut conclure, je pense. Eh bien, je conclue. Parce qu'en attendant que nous, on est toujours là en vulgarisation scientifique, hein, c'était pas l'intelligence artificielle qui le fait, bien qu'elle soit a priori maintenant imaginative et créative, hein, presque. Nous, humains, on est encore là. Humains ou végétal ou parasitaire, hein, ça dépend pour certains. Par le hasard des coups de nos prochaines émissions, espérons que cela nous donnera toujours une saison organique, toujours pleine de vie pour gagner la partie, et en attendant, que servir la science soit votre joie.